Smart Good Things, des boissons et services pour une nouvelle économie bienveillante. Et oui, c'est ça l'idée, produire des boissons vertueuses, innover au service du bien commun et verser 25% de notre chiffre d'affaires à des causes solidaires, telles que la formation des jeunes, la lutte contre le décrochage scolaire et l'accompagnement de nos aînés. Ensemble, avançons vers une société plus juste. Rejoignez-nous sur smartgoodthings.com. Ce qu'on appelle des vaccins sont en phase expérimentale. Petit à petit, on nous prive de nos libertés et de nos droits de circuler, de respirer partout où on soit. Donc, c'est pas possible. Notre projet d'un État libre consiste à faire déménager au moins 20 000 libertariens dans le New Hampshire. Nous voulons faire le maximum pour réduire les impôts et le nombre de règles. Car nous, ce qu'on veut avant tout, c'est avoir une vie plus libre. Savoir identifier les plantes comestibles, fabriquer des vêtements en peau de bête, survivre dans la forêt rien qu'avec un couteau. Ça aussi, tu trouves ridicule ? C'est des enfants ! Il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils connaissent notre monde ! L'année dernière, on a lancé un programme dans notre ville de libre choix scolaire. Car on pense que les parents savent mieux comment leurs enfants doivent être éduqués. I came here to die with you. I'll live with you. Les gouvernements ne vivent pas ensemble comme les hommes. Un gouvernement ne t'offre pas le pacte ou le combat régulier. Moi, je viens pour t'offrir l'un ou l'autre. Ça, c'est ma parole de vie. Et ta parole de mort. Elle est là, dans mes revolvers. Et là, dans tes fusils. C'est normal d'avoir un flingue. C'est pour vous protéger ? Plus du gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas leur faire confiance. Liberté de circuler, de se vacciner, de s'exprimer. Défiance à l'égard des gouvernements, des institutions, des médias. Il y a mille et une raisons d'évoquer la liberté. Enfin plutôt, sa liberté. Y en a-t-il plus en ce moment ? Rien de sûr, mais le fait est là, la liberté est le principe qu'on invoque pour soutenir une opinion, une décision, un comportement, d'autant plus quand cela va à rebours de la majorité. Mais à quoi pense-t-on quand on parle de « sa liberté » ? Ma liberté fait-elle de moi un libéral ou plutôt un libertarien ? Voilà, le mot est lâché, libertarien. Qui sont-ils ? En suis-je sans le savoir ? Et dois-je m'effrayer de peut-être appartenir à cette mouvance qui se dit en faveur de la liberté individuelle, contre l'État et pour le marché ? Qui a peur des libertariens ? C'est toute cette semaine dans les chemins de la philosophie. Give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please. Don't fence me in, just turn me loose. Bonjour Gilles Campagnolo. Bonjour Géraldine. Vous êtes directeur de recherche en philosophie économique au CNRS à Aix-Marseille et à l'Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise à Tokyo. Vous êtes d'ailleurs en ce moment même à Tokyo. Je vous remercie d'être ici avec nous de loin. Je dis aussi, je peux préciser que vous êtes également membre associé de la London School of Economics. Vous co-dirigez la revue de philosophie économique éditée chez Vrin. Et enfin, vous êtes l'auteur de plusieurs traductions françaises de l'école autrichienne du libéralisme. Alors la tâche va être rude pour vous, Gilles Campagnolo, ce matin, puisque vous avez une cinquantaine de minutes pour nous dire ce qu'est le libertarianisme. Ce mot un petit peu long, qui semble un petit peu barbare. Est-ce qu'on peut en donner une définition simple et évidente pour tous, Gilles Campagnolo ? Donc vous souhaitez que je résume en une cinquantaine de minutes un peu plus de deux siècles de réflexion sur la liberté qui ont abouti à ce courant principalement aujourd'hui américain, mais international, qui oui, se nomme sais, d'un terme difficile en français, rare, qui est ce libertarisme ou libertarianisme, si on prend une traduction littérale du terme en anglais. Peut-être peut-on commencer pour répondre à votre question, par préciser les rapports à un terme beaucoup plus général qui est le libéralisme. Mmh. Un terme qui a d'ailleurs mauvaise presse en France. Alors même que si l'on veut le comprendre, on doit remonter à la Révolution française. Et pour répondre d'un mot à votre question sur libéralisme, libertarianisme, la définition, ce qui met la liberté, son principe et ses modalités d'application avant toute autre valeur. Mais ce qui semble un petit peu presque trop évident, Gilles Campagnolo, c'est-à-dire que si on dit qu'un libertarien met sa liberté avant toute autre chose, finalement ça peut correspondre à un certain nombre de sensibilités, à un certain nombre d'opinions qu'on peut avoir. Est-ce que tout le monde serait libertarien sans le savoir ? Sans doute non, puisque tout le monde est à quelque égard libéral sans le savoir, d'après la définition que vous venez de donner. Le libéral classique soutiendra un système économique fondé sur la concurrence, fondé sur le marché libre, mais lui accordera la possibilité d'avoir des services publics. Se jouera dans une tension entre un pôle public et un pôle privé, où la question est où on fera passer la frontière. Dans cette tension, vous aurez les différentes formules de libéralisme. Par exemple, celui de l'État-providence, qui est un libéralisme. Il est le libéralisme où on fait passer le bien-être des individus avec la croissance économique ensemble sous la houlette de l'État. Le libertarianisme n'est pas cela. Il ne veut pas de la houlette de l'État. Pour le dire en un mot, dans cette tension entre public et privé, là où les différentes formes de libéralisme tente de trouver le bon endroit où placer le curseur, le bon endroit où mettre une frontière entre ce qui doit relever du public et ce qui doit relever du privé, le libertarisme dit que c'est cette tension même qui n'a plus lieu d'être. Mmh. Le pôle public, en soi, est illégitime. Est-ce que vous direz, Gilles Campagnolo, que le libertarianisme est un libéralisme plus-plus ? Pour être plus précise, est-ce que vous pensez que le libertarianisme est un libéralisme accentué ? C'est une différence de degré qu'il y a entre ces deux courants, ou carrément une différence de nature ? Est-ce que le libertarianisme, c'est véritablement un autre courant politique qui s'est peut-être inspiré du libéralisme, mais qui s'en est complètement détaché ? Alors, votre question soulève deux autres termes implicites, néolibéralisme et ultralibéralisme. Si l'ultralibéralisme, reprenons cette image assez simple, d'un segment de droite, et vous avez à une extrémité le public, l'État, et à l'autre extrémité, le privé. Et vous cherchez où mettre le curseur. Si vous mettez le curseur entièrement sur le public, vous avez un système d'économie planifié qui n'est pas nécessairement de type soviétique avec des frontières fermées, mais qui est tout autant l'État fasciste, puisque la définition mussolinienne du fascisme est que tout est dans l'État, tout est pour l'État et rien n'est en dehors de l'État. Mmh. À l'autre extrémité, si tout est dans le privé, il ne reste plus de place pour le public, mais vous remarquez bien que si vous mettez le curseur à chacune des extrémités, la tension n'a plus lieu d'être. Donc le fascisme est hors de cette tension qui est l'ensemble des formes possibles du libéralisme. Et le libertarianisme n'est pas un plus-plus au sens où on serait tellement proche du pôle privé que le reste serait encore présent. Non, c'est qu'on y est, au pôle où tout est privé, la propriété de soi pleine et entière avec des modalités telles que le reste n'a plus lieu d'être. Donc c'est une autre nature de liberté, de rapport à la liberté que le libéralisme. C'est une position qui, à ce titre, est nouvelle. Alors, néolibéralisme est un terme que l'on utilise souvent de manière discriminatoire et qui pourrait décrire ça, mais qui se rapporte à d'autres choses qui sont nées dans les années 30 et qui étaient alors différentes de l'emploi du terme que l'on fait actuellement. Et quant à ultralibéralisme, c'est une manière, ça correspondrait à votre libéralisme plus-plus, au sens où toutes les autres notions liées au libéralisme, dignité, respect de soi et d'autrui, naturellement la propriété, le progrès, qui est la notion des Lumières du XVIIIe siècle, où tout cela est né, est en germe et commence à se développer, lui mettra l'accent absolument d'abord sur la liberté, mais ne supprimera pas forcément cette tension. On passe avec le changement de quantité, si vous voulez, avec le plus-plus, on passe à un changement de qualité, de nature. Il y a un nœud de mesure, comme le dit Hegel dans la science de la logique, en ce qui concerne la liberté, quand on passe des formes de libéralisme au libertarisme ou libertarianisme. On a entendu Gilles Campagnolo, pour ouvrir cette émission, tout un ensemble en fait de paroles très répandues dans l'opinion publique et notamment en fait pendant les confinements, pendant la pandémie, sur la liberté de circuler, sur la liberté de se vacciner. On entend aussi des revendications pour la liberté d'expression. On a entendu parler du free speech par Elon Musk avec son rachat peut-être de Twitter. Est-ce que ça, ce sont des concepts propres au libertarianisme, ce qui impliquerait en fait vraiment de définir en fait ce courant de pensée pour bien comprendre à quoi on a affaire. Est-ce qu'on a une société qui devient de plus en plus libertarienne ou qui du moins est de plus en plus imprégnée par ses principes sans même le savoir? Alors, vous prenez l'exemple du rachat de Twitter pour au nom, du moins c'est ce qui est affiché, de la possibilité d'une expression totale. Mmh. Ben, la Constitution des États-Unis la permet déjà, hein, c'est le fameux article qui autorise toutes les expressions possibles et que nous avons du mal, nous, à comprendre en France, au vu de règles qui sont tout à fait différentes. On peut parler au nom du nazisme aux États-Unis, mais pas en France. Cette conception-là, elle irrigue déjà la pensée américaine de manière différente de la pensée européenne. À cet égard, il faut faire une précision. Si le terme libéral et l'accent sur la liberté vient du XVIIIe siècle, des Lumières françaises, écossaises, même autrichiennes, des révolutions françaises et américaines, le mot libéral, lui, a une évolution différente entre le continent européen et sa version américaine. Aujourd'hui, liberal, aux États-Unis, est un progressiste, hein, une personne de gauche qui votera peut-être démocrate et même les partis les plus à gauche des démocrates, par exemple Sanders. C'est pour cela que les Américains ont eu besoin d'un autre terme pour les libertariens, libertarian, qui va être différent de celui de libéral. Mais si vous prenez le terme liberal américain aujourd'hui, en fait, vous le retrouvez chez nous, en France, mais en 1848. C'est le parti du mouvement, le parti du progrès, contre le parti de l'ordre. Il y a les conservateurs et les libéraux. Le sens de libéral qui est resté aux États-Unis, c'est celui que nous avions à l'époque de Ludru Rollin. Le sens de libéral en français présent, français courant aujourd'hui, c'est une plus ou moins grande attitude de soutien envers marché libre et ce qu'on appelle liberté économique de manière classique, libre concurrence, libre marché, etc. C'est cette réduction du terme dans le sens européen qui entraîne son rejet par la plus grande partie de la population et du discours général et une incompréhension générale de son sens plus large. Donc, l'influence des États-Unis qui fait revenir le terme leur importe sous l'angle de et sous la lexicologie de libertarien. En français, il existe également libertaire, mais libertaire, au cours du XIXe siècle, pour la même raison, a pris le sens de l'anarchisme. Et l'anarchisme, dans la version européenne, c'est non seulement, mais avant tout, l'anarchisme, l'anarcho-communisme, l'anarchisme des communautés. Dans votre chapeau, il y avait notamment avec beaucoup de confusion dans les discours qui sont présentés, évidemment, il y avait notamment la proposition d'un État libre fabriqué quelque part dans la campagne, je ne sais où, aux États-Unis. Dans le New Hampshire. Voilà. Où c'est donc en Nouvelle-Angleterre. C'est exactement ça. C'est Nouvelle et c'est Angleterre. Ça vient du libéralisme, mais c'est nouveau. Or, ces communautés, sous le terme de libertarien, d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'évoque pas pour nous les phalanstères, les communautés utopistes, idéales socialistes du XIXe siècle? Eh bien, ça, ce sont des communautés utopistes, non pas socialistes, mais libéralistes. Et comme ce terme-là n'existait pas, eh bien, libertariennes. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Il faut bien comprendre, le terme libéral, liberal et libéral chez nous, c'est différent. Le terme libertarien, c'est la version américaine qui garde beaucoup de ce qui était les origines du concept et qui le radicalise et qui, d'une certaine manière, un rapport un peu parfois puéril même à la notion, laissant de côté des responsabilités partagées pour n'accepter qu'une responsabilité strictement et toujours individuelle. Vous avez parlé, Gilles Campagnolo, des libéraux. On va revenir justement aux sources, en fait, du libéralisme avec ce texte de John Stuart Mill, de la liberté, qui date de 1859. Mais aussi, vous avez parlé de cette source qui est la Déclaration des droits de l'homme. On va en écouter aussi un extrait. C'est un film qu'on écoute tout de suite. On a beaucoup parlé de la Constitution. Il convient d'inscrire en tête les droits inaliénables de l'humanité. Nos amis américains l'ont fait. Serons-nous en retard sur eux après leur avoir donné l'exemple ? Non ! Voici maintenant la formule du second article. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels imprescriptibles à l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. On dit d'une personne qu'elle a du caractère lorsque ses désirs et ses impulsions lui appartiennent en propre. Son expression de sa propre nature, telle que l'a développée et modifiée sa propre culture. Un être qui n'a pas de désir et d'impulsion à lui n'a pas plus de caractère qu'une machine à vapeur. Si, outre qu'un homme a des impulsions à lui, ses impulsions sont fortes et placées sous le contrôle d'une volonté puissante, il a un caractère énergique. Quiconque pense qu'on ne devrait pas encourager l'individualité de désir et d'impulsion à se déployer, doit soutenir aussi que la société n'a pas besoin de nature forte, qu'elle ne s'en trouve pas mieux pour renfermer un grand nombre de personnes ayant du caractère, et qu'il n'est pas à désirer de voir la moyenne des hommes posséder beaucoup d'énergie. Dans des sociétés naissantes, ces forces sont peut-être sans proportion avec le pouvoir que possède la société de les discipliner et de les contrôler. Il fut un temps où l'élément de spontanéité et d'individualité dominait d'une façon excessive, et où le principe social avait à lui livrer de rudes combats. Mais la société aujourd'hui a pleinement raison de l'individualité, et le danger qui menace la nature humaine n'est plus l'excès, mais le manque d'impulsion et de goût personnel. On vient d'entendre donc un extrait de La Liberté de John Stuart Mill, un texte de 1859. C'est le chapitre 3 de l'individualité comme un des éléments du bien-être, un texte qu'on a entendu interpréter par François Raison. Il y a ici dans ce texte, Gilles Campagnolo, une des sources, une des grandes, on peut dire, influences, un des grands courants en fait du libéralisme, une des grandes voies du libéralisme, mais aussi une des sources du libertarianisme, puisque ce principe d'individualité est au centre de cette pensée. Gilles Campagnolo. Tout à fait. C'est le grand livre du libéralisme et de la forme libertarienne de conception, avec l'opposition entre principe d'individualité et principe social, avec l'indication très forte dans le passage que vous avez choisi de la dimension anthropologique nécessaire et fondamentale de cette exigence de liberté. C'est au nom de cette dimension anthropologique, lorsqu'il parle du caractère, que la liberté est d'emblée justifiée, légitime, première à tous égards. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, Gilles Campagnolo. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais quel est le rapport entre l'individualité et la liberté ? Parce que ce texte est plus une affirmation de l'individualité que d'une liberté, en fait. Et la liberté pourrait tout à fait être défendue par une autre disposition, être pris en charge par l'État, par le collectif. Alors que là, c'est l'individualité qui semble impliquer la liberté. Pourquoi ? Peut-être est-ce pour cela que vous avez mis ensemble le texte sur les droits de l'homme et du citoyen et l'extrait de Mill. Est-ce que ça n'est pas à l'État de garantir tout cela ? On l'a vu, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Mm-hmm. La position libertarienne est que l'État fera exactement le contraire. L'État fera l'oppression, l'État, au nom de la sûreté, fera la conscription, et vous enrégimentera, ce qui n'est pas exactement la définition de la liberté à laquelle on s'attend. Et quant à la propriété, l'État vous en prive, par exemple par l'imposition, mais c'est la forme la plus douce parce qu'il y a des formes de réquisition bien plus graves. La propriété, c'est ce qui, de vous, n'est pas directement vous. Il est plus facile, Géraldine, imaginez que vous êtes assise au bistrot, il est plus facile de vous voler le sac que vous avez posé sur la table voisine que de s'en prendre directement à vos vêtements, et encore moins que de s'en prendre directement à votre personne. Donc il est plus facile vous voulez dire par cette image-là, que j'imagine très bien, moi, un bistrot avec mon sac, qu'il est plus facile de prendre un bien qui m'appartient mais qui ne m'appartient pas physiquement, c'est ça, qui n'est pas sur mon corps, plutôt que quoi d'ailleurs. En fait, c'est juste en fait l'idée qu'on puisse me prendre mon sac, c'est ça, et que l'État pourrait faire ça, c'est ça cette image ? Non, c'est l'idée que votre personne s'étend à tout ce qui vous appartient. Mmh. mais qu'il est plus facile d'atteindre ce qui n'est pas directement en vous que ce qui est directement vous. Il est plus facile de vous voler de votre sac que de vous voler votre vêtement, que de vous blesser, que de vous violer. La distance fait que vous vous en remettez à une autorité pour défendre votre sac à votre place. Le libertarien dira qu'en cela, vous êtes en train de vous illusionner et qu'en réalité, quand vous irez porter plainte à la police, ben elle fera ce qu'elle pourra, mais souvent, elle ne retrouvera pas votre sac, ce qui est une expérience que nous connaissons, alors, en France du moins, plus qu'au Japon. Toujours est-il que lorsque vous faites cela, si vous vous en remettez à la police de l'État, vous vous illusionnez. Et c'est pour cela que les gens que vous avez dans le chapeau tout à l'heure qui parlaient de faire un état libre, etc., eux préfèrent s'en remettre à eux-mêmes. De la même raison, la défense de la possession des armes. Cela a été dit explicitement et cela fait comprendre ce qui, pour nous en France, est souvent difficile à saisir, pourquoi l'Américain, malgré les tueries affreuses qui ont lieu régulièrement, ne remettra jamais en cause, du moins... on peut l'imaginer, on peut, quel que soit le jugement qu'on porte à ce propos, voir que c'est comme cela que ça se passe, ne remettra pas le droit d'avoir des armes, parce que son individu et sa liberté sont un. Et c'est ce que tous les systèmes non libéraux, d'une manière ou d'une autre, veulent changer, veulent opposer. Encore une fois, sur la ligne entre public et privé, tout dépend où vous mettez le curseur. L'Américain, du fait de l'histoire fédérale, antifédérale du pays, de la nature fédérale du pays et de l'antifédéralisme, de l'anti-gouvernement central aux États-Unis, mettra le curseur toujours beaucoup plus près du privé. Mm-hmm. Mais en réalité, c'est une question de principe. Ça n'est pas seulement une question de contexte. On a entendu dans l'extrait juste avant le texte de John Stuart Mill, un extrait de ce film de Lazare Iglesias qui date de 89, l'été de la Révolution, où on entend cette rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et on entend ce terme « droit naturel ». C'est-à-dire que tous les droits qui sont énumérés relèveraient des droits naturels, des droits de l'individu. Est-ce qu'on peut dire que le libertarianisme veut revenir aussi à un droit naturel qui aurait été oublié et recouvert par le droit positif que va créer l'État? Parfaitement. Parfaitement. On peut répondre d'un mot, c'est exactement cela. C'est pour cela que les débats actuels aux États-Unis autour du libertarianisme de droite, de gauche, les questions de propriété de soi, d'extension de la propriété, etc., ressemblent énormément aux discussions du XVIIe et du XVIIIe siècle. On est revenu et on a besoin de revenir au fondement de la pensée libérale. On revient à Locke. On revient aux théoriciens du droit naturel. Alors, Grotius, Pufendorf, si on veut, mais ceux-là ne sont pas très connus aujourd'hui dans ce cadre-là. Mais les théoriciens anglais du XVIIe, du XVIIIe siècle, la Révolution américaine, la Révolution française. Le recours systématique à ces pères fondateurs ressemble beaucoup, mutatis mutandis, au recours à l'Antiquité au moment de la Révolution française. Mais pourquoi ce retour au droit naturel? Est-ce que c'est justement ça qui fait que l'individu est vu comme une valeur suprême par les libertariens? C'est que ce serait un produit naturel, ce serait ce qui nous parvient de plus, qui nous est donné, c'est ça? C'est ça qui fait qu'on doit à tout prix en fait défendre sa propre individualité? Alors, pourquoi y revient-on? Dans le texte de John Stuart Mill que vous avez passé à l'émission, il était question du principe social. C'est déjà le cas en 1859 chez Mill, et puis ce sera beaucoup plus de manière différente chez quelqu'un qui n'est pas un libéral, mais qui, de ce point de vue-là, défend la liberté chez Nietzsche. C'est au nom de, du caractère illégitime de la soumission au principe social de l'individu, de l'individualité, qu'elle soit forte ou qu'elle soit toute, puisque le libertarianisme, de ce point de vue, est égalitaire. Ce n'est pas seulement l'individu fort que l'on doit, etc. C'est l'ensemble des individus qui sont chacun un et à chacun libre. Donc, c'est contre le principe social qu'il faut revenir au droit naturel. Maintenant, on dira, oui, mais cette nature, on lui fait dire ce que l'on veut. Vous connaissez l'aphorisme 9 de Part de là le bien et le mal de Nietzsche, à savoir que les stoïciens présente la nature comme étant la base de leur enseignement, en réalité, ils y mettent ce qu'ils veulent. Et ce sont leurs propres impératifs, leurs propres objectifs qu'ils désignent du nom de nature. Or, au XVIIe, XVIIIe siècle, le droit naturel, ce n'est pas ça. C'est une expérience de pensée sur ce qui reste de fondamental quand on enlève le cadre social. C'est exactement ce que fait le libertarianisme. Et c'est pour ça qu'il retrouve l'individu. Parce que c'est la seule unité intentionnelle, conceptuelle, que vous pouvez comprendre en tant que vous êtes vous-même un individu. Oui, mais on peut faire plein d'objections quand même, Gilles Campagnolo, à cette thèse, c'est-à-dire de dire que pourquoi on devrait à tout prix sacraliser l'individu. Qu'est-ce qui nous prouve que quand l'individu naît, en fait, il n'est pas déjà pétri par le milieu dans lequel il vit, par une communauté, par sa langue, par sa culture. Donc l'individu seul, atomisé, tout ça, c'est une sorte de fantasme. Et puis vouloir à tout prix préserver l'individu dans une sorte de nature première relève aussi de la fiction. Comment dire ce qui relève d'une couche qu'on a ajoutée ou qui a été créée ou fabriquée? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de valorisation de l'individu contre l'État qui semble plus être créé pour démonter l'État que véritablement pour valoriser l'individu dont on ne sait s'il existe véritablement en tant que tel. Oui, donc ça n'est pas un fantasme, c'est une expérience de pensée. Mmh. C'est de la même manière que l'on a l'eidétique en phénoménologie qui va consister à retirer à toute chose les caractères que l'on peut lui enlever. Vous prenez n'importe quel objet, vous l'imaginez, il restera néanmoins qu'il a une certaine couleur. Vous n'arriverez pas à vous imaginer l'objet en question sans la couleur. Il peut avoir d'autres couleurs, mais il aura une couleur. Eh bien, de la même manière, vous pouvez retirer toutes les couches sociales qui sont, comme vous l'avez indiqué, différentes suivant les contextes, les civilisations, les époques, les peuples, leurs mythes, tout ce que vous voulez, il restera toujours cette entité-là. Autrement dit, c'est bien un retour au fondement, non pas chronologique, mais ontologique, logique, de ce qu'est l'individu. Pourquoi lui, est-ce qu'il est différent, indifférent ? Bien sûr, tout ce que vous avez dit là est exact, il est plongé dans un milieu. C'est cependant toujours lui qui est plongé. Le milieu n'est pas lui. L'État n'est pas vous. Et cette conception-là, l'État n'est pas vous, est vécue par ces libertariens, et en particulier dans le cadre américain, où d'emblée, dans la culture même, est inscrite que l'État et l'individu sont distincts. Ce qui est différent de ce qui s'est passé en Europe. Ce qui explique aussi l'évolution différente des termes lexicologiques sur leur base conceptuelle. Je vous propose, Gilles Campagnolo, et puis aussi chers auditeurs, chers auditrices, d'écouter la voix en fait d'un grand libertarien, ou peut-être d'un libéral, vous nous direz, ou alors d'un libéral libertarien. C'est la voix de Friedrich von Hayek, c'était en 1985. Une société qui est efficace ne peut pas être juste. Et malheureusement, une société qui n'est pas efficace ne peut pas assurer l'avenir de la population mondiale actuelle. Et il faudrait que nous apprenions à mieux discipliner nos instincts. Ce qui nous forcera à supprimer le sentiment que certaines différences de salaire sont injustes. Et nous devrons comprendre que seul un système dans lequel nous tolérons des différences grossières, injustes de salaire, est capable d'assurer l'existence de la population mondiale actuelle. Alors, est-ce qu'on peut dire que Hayek incarne, hein, au XXe siècle, Gilles Campagnolo, tout ce qu'on vient de dire à propos justement de l'individu face à l'État, et notamment en termes d'efficacité? Le texte que vous venez de présenter, cette interview... Cette archive, oui. Voilà, cette archive montre, tendrait à faire répondre oui. Pour autant, non. Tout ce que l'on a dit précédemment n'est pas nécessairement hayekien. Hayek, s'il est le représentant d'un courant, est le représentant par excellence au XXe siècle du courant de pensée dit autrichien, qui est une des composantes majeures de la pensée libérale et dont certains des représentants sont des libertariens par excellence, comme c'est le cas de Murray Rothbard. Mais Murray Rothbard, aux États-Unis, est l'élève de Ludwig von Mises, qui était le frère aîné, disons, non pas familialement, mais spirituellement de Hayek. Il y a donc bien un rapport, mais Hayek ne représente pas exactement le libertarien. Hayek lui-même se définissait comme un libéral classique. Très critique, quand même, radical. À l'égard du libéralisme. Tout à fait. Et de la manière dont le conservatisme l'a avalé, instrumentalisé, s'en est emparé, parce que dans le cadre américain, comme liberal désigne ce que nous appelons des progressistes, eh bien, il ne reste pour ceux qui défendent la liberté des marchés souvent que le camp de ce qu'on appelle les conservateurs, et notamment à l'intérieur du Parti républicain, ce qui ne satisfait pas les libertariens. Preuve en est que lors des élections américaines, vous avez souvent un troisième candidat, dont on parle très peu, mais qui, lui, représente généralement ce mouvement libertarien. Ni démocrate, ni conservateur, mais libéral, libertarien, héritier des libéraux classiques, et dans le cadre américain, il y a eu notamment Ron Paul qui a été candidat. Bien évidemment, ces gens-là ne sont jamais élus. Donc, ce que vous voulez dire, Gilles Campagnolo, c'est que à la dimension, on va dire, individuelle, en tout cas individualiste, en fait, du libertarianisme, hein, qui va voir dans l'individu et sa liberté une valeur absolue, il faut donc aussi ajouter cette projection de la logique du marché sur tout l'ensemble, en fait, des aspects du vivre ensemble, de la politique, de la société, d'une organisation. Par exemple, on va parler d'ordre spontané social, comme pourrait le sembler l'être le marché qui s'organise de manière spontanée et s'harmonise de lui-même. C'est tout à fait ça. C'est Hayek, l'ordre spontané, cette expression qui signifie non pas que le marché s'organiserait par quelque effet magique, mais qu'il n'y a jamais de marché en général, comme d'État en général, mais des gens, des individus qui ont des actions. Chacun fait ses propres plans, chacun se heurte au plan des autres, les intérêts se croisent, il en résulte des situations nouvelles que chaque individu peut réviser. C'est de cet ensemble-là qu'il résulte ce qui existe effectivement. Ce ne sont jamais que des individus qui agissent. L'erreur fondamentale est d'hypostasier les institutions. C'est pour cela que les Autrichiens ne sont pas aveugles ou ne manquent pas de lucidité par rapport aux difficultés que les marchés peuvent avoir. Il y a des failles de marché. L'hypothèse d'efficience absolue des marchés n'est pas une hypothèse hayekienne. Ce que Hayek disait, ce n'était pas que les marchés fonctionnent absolument sans faille. Ce qu'il disait, c'est que si vous substituez autre chose au nom d'une justice que vous ne savez pas définir, de toute manière, mais dans laquelle la croyance que vous avez vous induit à des comportements qui sont contre vos propres intérêts, eh bien, vous avez manque d'efficacité et au nom d'une justice qui est une illusion. Il n'y a pas de justice sociale, c'est un oxymore. Et c'est pourtant au nom de cette justice sociale que la plupart des propositions politiques sont faites. Et en tant que telles, elles sont volontairement des duperies, des manières de tromperie. C'est pourquoi les libertariens en question veulent proposer leur propre solution, aller créer leur État libre, sortir leur flingue. Enfin, un État sans État, en fait, d'une certaine manière. Parce que si, à l'inverse, ça n'est pas l'individu qui est un fantasme, comme je le disais, mais plutôt une expérience de pensée, mais que la justice est véritablement un fantasme, puisqu'elle ne peut pas exister, en fait, par quoi la justice est-elle remplacée? C'est-à-dire que, est-ce que c'est par le terme que Hayek a donné, à savoir l'efficacité? C'est ça, en fait, qui remplace la justice? Il va y avoir du croisement des actions des individus, une situation à laquelle appliquer le critère moral de justice sera indu. Si vous permettez, est-ce que je pourrais à mon tour, du coup, vous lire un court extrait qui va répondre à votre question? Allez-y. Cette affaire d'État sans État. C'est un extrait du manifeste libertarien de Rothbard de 1973, que je n'épouse pas nécessairement pour ma part, mais qui montre bien et qui contribue à répondre à votre question. Citation, début. L'État produit de manière habituelle, commet, des meurtres de masse. C'est ce qu'on appelle la guerre. Ou ce qu'il appelle, lui, parfois, des opérations spéciales ou des pacifications. L'État recrute, c'est-à-dire met en esclavage au sein de ses forces armées, et c'est ce qu'on appelle la conscription. Et l'État vit et maintient son niveau de vie en pratiquant un vol éhonté, et c'est ce qu'on appelle l'imposition. Le libertarien insiste sur le fait que quoique ces pratiques soient acceptées et reçoivent le soutien de la majorité de la population ou pas, là n'est pas la question, car indépendamment de l'approbation populaire, la guerre est un meurtre de masse. La conscription, c'est l'esclavage, et l'imposition, c'est du vol. Le libertarien, en bref, ça n'est jamais que cet enfant qui, dans la fable d'Andersen sur l'empereur, le roi, au milieu de tous ceux qui prétendent voir le roi habillé, lui le désigne de manière insistante, le pointant du doigt, et dit « le roi est nu ». Voilà, ça, c'est le libertarien. À savoir que les illusions sont ces draperies dont le roi se prétend couvert et qui n'existent que dans l'imagination de ceux qui les acceptent. Et c'est leur acceptation qui fait leur servitude volontaire. Le libertarien veut la liberté pour sortir de la servitude. Rambo, don't do it. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour déclencher ta petite guerre. Tu as fait assez de dégâts. Cette mission est terminée, Rambo, tu as compris? C'est terminé, Johnny. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des proches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant. Pour vous! Ils sont tous... les amis. France Culture. Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu cet extrait Gilles Campagnolo, il s'agit... Bien sûr que si. Ah ben voilà, et ben voilà. Alors, est-ce que ça n'est pas un extrait, une illustration parfaite du principe de non-agression prôné par les libertariens et qui fait complètement écho, en fait, au texte de Murray Rothbard que vous avez lu? Je pense que... Le point essentiel dans l'extrait que vous avez passé, c'est qu'il reconnaît, et c'est cela qui l'enrage, qu'on l'a envoyé et qu'on continue, en plus, de ne pas reconnaître les sacrifices qui ont été les siens, ceux de ses camarades, etc. La réponse de son capitaine, c'est un moment dur pour tout le monde, est exactement le discours que tient toute autorité. Tout État, à tout moment, vous explique à quel point il est dur pour tout le monde et que vous devez, en conséquence, vous le supporter. L'exigence, le claim, si on veut, du libertarien qui peut s'exprimer de forme enragée, comme on vient de l'entendre, et destructrice, du coup, eh bien, c'est non, vous êtes en train de vous moquer de moi. Ça n'est pas dur pour tout le monde, c'est dur en ce moment pour moi. Parce que j'existe et que vous niez cela. C'est la conscription. On a envoyé Rambo faire la guerre au Vietnam. Mais à vous écouter, Gilles Campagnolo, moi je me demande, et si en fait les libertariens avaient raison, en fait. Il semble difficile, alors il y a tout un ensemble d'objections à leur faire, mais comme à n'importe quel courant politique, mais pourtant il semble dire non seulement des choses qui vont en fait dans l'ère du temps, je dirais, en termes d'individualisme, de marché, de pacifisme, de liberté individuelle, et il semble peu aussi se tromper en tant que tel de manière théorique. Pourtant, il y a quand même quelque chose malgré tout qui semble résister. On a quand même l'idée que, en disant tout le temps « moi, moi, moi », il y a quelque chose de profondément inégal qui est en jeu avec le libertarianisme. D'abord, je voudrais souligner un point, c'est que mon propos est entièrement académique. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre parti si vous êtes libertarien. Qu'ils ont raison. Oui. Comme... Et par ailleurs, vous dites qu'il y a quelque chose de profondément inégal dans le « moi, moi, moi ». Le libertarien n'aurait pas tant envie de dire « moi, moi, moi » si tout ce qui l'entoure, du moins à ses yeux, nie ce « moi ». On l'envoie à la guerre, on lui fait payer des impôts, on est sans cesse sur son dos. Et ce qui est ce « on » ce « on » a toujours une justification collective. L'intérêt théorique des courants libéraux, et en particulier, puisque vous avez précédemment donné une archive d'Hayek, c'est de montrer que ce collectif Begriff, ce concept collectif au nom duquel on tente à chaque instant et dans chaque domaine de la vie civile, économique, mais on l'a vu, le diplomatique, militaire, etc., etc. Ce principe-là est à chaque fois une illusion à partir de laquelle on soumet l'individu. Mmh. Cette illusion est acceptée, elle reçoit la sanction populaire parce qu'elle fonctionne sur des mythes. À la limite, la revendication libertarienne est une revendication de lucidité complète. Ce n'est pas seulement la religion qui est l'opium du peuple. Mmh. C'est tout ce qui, au nom d'autres types de religions, à chaque fois qu'il y a un collectif, entendent utiliser l'individu sans lui demander son avis. Quand on l'a envoyé au Vietnam, Rambo, avant d'en faire l'espèce de monstre qu'il n'a pas pu faire autrement que devenir, mais qui est profondément humain, à la différence de ceux qui l'ont envoyé, on ne lui a pas demandé son avis. Et s'il a été conscrit, soit il a été de force, soit il s'est inscrit, mais il s'est inscrit parce qu'il y avait la propagande. Et cela, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Chaque individu naît dans un contexte différent et doit faire avec. C'est le droit imprescriptible, anthropologique, on l'a vu avec le texte de Mill, à l'individu d'exercer sa liberté, qui est la revendication première. Et c'est pour cela que, et je finis là-dessus, sur le pôle que j'ai décrit au début, de ce segment où il y a d'un côté tout le public et de l'autre côté tout le privé, vous avez toutes les formes possibles de libéralisme. Le libertarianisme, d'une certaine manière, dit c'est cette tension-là qui est en elle-même indue. Mmh. Alors, est-ce que de la sorte, il a une utopie en tête ? C'est possible. Mais regardez l'utopie inverse, qui est celle du pôle « il n'y a que l'État », elle a donné le fascisme, et le fascisme a été une réalité politique très dure et très puissante et grave en raison des millions de morts qu'il a entraînés au XXe siècle. Est-ce que l'on peut dire, Gilles Campagnolo, que le libertarianisme, malgré ce rejet de l'État, hein, comme une soumission de l'individu à un pouvoir coercitif, a néanmoins une forme politique ? Est-ce que rejeter l'État, ça implique quand même des principes d'organisation politique et puis aussi des principes, on va dire, moraux ? C'est-à-dire, on a entendu, j'ai cité, vous avez parlé du principe de non-agression, hein, qui est un des autres principes du libertarianisme, qui est défendu par Murray Rothbard dans le Manifeste libertarien. Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie en fait de ce qu'on pourrait nommer une loi libertarienne qui permettrait à une organisation politique libertarienne de tenir ? La question si elle peut tenir est une question difficile. La question s'il y a une morale dedans, bah, d'une certaine manière, il y a même un excès de morale. C'est-à-dire que c'est la revendication absolue de moralité qui justifie les positions libertariennes. Elle n'accepte pas le compromis. Et comme toute position qui n'accepte pas le compromis, il est difficile de rentrer dans la réalité parce que les états réels ou les situations de groupe ou les situations de vie en commun sont toujours, d'une manière ou d'une autre, des choses imparfaites. Le problème est quand l'imperfection est telle qu'elle empêche ceux-là même qui sont dans son sein de vivre. Par exemple, lorsqu'il y a conscription, lorsqu'on envoie les gens se faire tuer, puisque la guerre, ça n'est pas autre chose. Donc, est-ce que c'est moral ? Oui, c'est même trop moral, c'est même une moralité absolutisée. Est-ce que cela a des principes discutables et organisables du point de vue économique ? Eh bien, écoutez, la philosophie économique dont à laquelle j'essaie de participer pour la promouvoir, au même titre que la philosophie morale ou la philosophie politique. La philosophie économique présente énormément de discussions sur ce thème, et notamment celui de propriété, entre libertariens de droite, de gauche, entre ce qu'on peut même appeler, ce qui se disent parfois, d'un marxisme libertarien. Chose étrange, mais qui s'explique, puisqu'il part du principe que tout ce qui n'est pas... Tous les biens originaires sont une propriété commune, d'où ce communisme, d'où cette, non pas un marxisme, mais disons une sorte d'étrange communisme. Cette chose-là, ce sont des principes économiques qui donnent lieu à énormément de discussions. Un exemple, la pleine propriété de soi, donc il y a, comme vous le savez, pour toute question de propriété, la distinction à faire chez les juristes d'abord, mais en philosophie en général, entre usus, abusus, usus fructus et abusus, c'est-à-dire la propriété de la chose, la jouissance de ce bien et la jouissance complète jusqu'à la destruction de ce bien qu'on peut en faire. Usus fructus abusus. Si on utilise cette notion-là, la troisième, l'abusus, va être pour la pleine propriété de soi, la possibilité de se rendre soi-même esclave ou de se détruire. Mmh. On rejoint une question anthropologique avec le suicide, qui est légitime aux yeux de celui pour qui vous existez pour vous-même et qui est illégitime dans toutes les croyances au nom desquelles vous existez pour quelque chose d'autre, par exemple dans la croyance religieuse chrétienne, mais dans beaucoup d'autres. Et le droit de se rendre esclave même, qui est une contradictio in verbis, une contradiction dans les termes, si on prend par exemple les principes de la philosophie de droit de Hegel. Donc, il y a énormément de discussions, et de nature morale, et de nature économique, sur les conceptions libertariennes. Alors, je ne pense pas qu'on aurait le temps de rentrer dans les détails ici, mais la littérature est fournie à cet égard, et je conseille aux auditeurs d'aller regarder ce qui s'écrit, en particulier en philosophie économique, puisque la plupart des auteurs libertariens américains, pour beaucoup, ou des contemporains, pas seulement Michael Aotsuka est à la London School of Economics aussi, je parlais avec lui avant que cette affaire de Corona arrive et qu'on ne puisse plus se déplacer. Donc, ces positions-là sont discutées énormément et très souvent sur une base de concepts économiques et d'application, d'applicabilité ou pas des notions libertariennes. Vous avez parlé, Gilles Campagnolo, de la notion de propriété. Je vous propose, en fait, parce que notre entretien touche bientôt à son terme, d'écouter un dernier texte. Vous pourrez bien sûr, vous aurez bien sûr le temps de réagir dessus. C'est un texte de Fichte, extrait de ses considérations sur la Révolution française et qui date de 1793. Nous sommes originairement notre propriété à nous-mêmes. Personne n'est notre maître et personne ne peut le devenir. Nous portons au fond de notre cœur les lettres de franchise qui nous ont été données sous le sceau de Dieu. C'est lui-même qui m'a affranchi et qui m'a dit « Ne sois l'esclave de personne ». Quel être aurait le droit de faire de moi sa propriété ? Nous sommes notre propriété, dis-je. Et j'admets ainsi quelque chose de double en nous, un propriétaire et une propriété. Le moi pur qui est en nous, la raison, est la maîtresse de notre sensibilité, de toutes nos facultés spirituelles et corporelles. Elle peut s'en servir comme de moyen pour toutes les fins qui lui plaisent. Autour de nous sont des choses qui ne sont pas leur propriété à elles-mêmes, car elles ne sont pas libres. Mais elles ne sont pas non plus originairement la nôtre, car elles n'appartiennent pas immédiatement à notre moi sensible. Nous avons le droit d'appliquer nos propres forces sensibles à toutes les fins qui nous plaisent et que la loi de la raison n'interdit pas. Or, la loi de la raison ne nous défend pas d'employer comme moyen pour nos fins les choses qui ne s'appartiennent pas à elles-mêmes et de les rendre propres à nous servir de moyens. Nous avons donc le droit d'appliquer nos forces à ces choses. C'était donc un extrait de Considération sur la Révolution française de 1793, un texte de Johann Gottlieb Fichte, où on entend effectivement ce principe de propriété. C'est un des grands principes aussi du libertarianisme, Gilles Campagnolo. On en a identifié un certain nombre, la liberté, liberté individuelle, donc l'individu, l'efficacité, le principe de non-agression. Et puis là, la propriété, qui fait quand même qu'on a une vision, en fait, à la fois de l'efficacité, de la vie en société de l'individu, qui est une vision, orientée, puisqu'il s'agit quand même de dire qu'on est à la fois propriétaire et propriété, et peut-être que l'individu, en fait, est uniquement réduit, en fait, à cette dimension économique, on pourrait dire, par le libertarianisme, Gilles Campagnolo. Il n'y est pas réduit, il y est rendu à sa pleine... Encore une fois, les termes sont cela, à la certaine propriété de soi. Mmh. Reprenons à partir du texte. On n'aura pas le temps pour une analyse au long. Mais d'une certaine manière, on a chez Fichte la conceptualisation par l'idéalisme allemand des différentes possibilités que les Lumières du XVIIIe siècle et la Révolution française proposent pour la modernité. Ce texte-là est 1793. En 1800, Fichte écrit « L'État commercial fermé » qui... On va aller très vite et le dire d'une manière brutale. Bref, qui donne avec le socialisme fichtéen, le portrait de ce que l'Union soviétique a pu illustrer au cours de l'histoire. Mmh. On a ensuite, dans la Reichslehre, dans sa Staatslehre, dans sa doctrine de l'État, quelque chose qui ressemble assez à ce que l'État allemand impérial pourra réaliser, et du moins une réflexion qui, en repartant des mêmes conceptions, donne d'autres possibilités. Enfin, on sait que dans les Reden an die deutsche Nation, les discours à la nation allemande, Fichte à la fois tire les fruits pédagogiques de la Révolution française et donne les germes du pangermanisme. Fichte donne, à partir de la Révolution française, le développement conceptuel absolutisé de chacune des possibilités, de chacun des débouchés qu'elle ouvre. Celui dont nous parlons, c'est celui de la liberté entière, c'est-à-dire d'une propriété de soi tellement importante et conçue comme première qu'aucun autre pouvoir ne peut se l'approprier. C'est un anarchisme. Mmh. C'est un anarchisme individualisme, comme plus tard le développera Max Stirner. C'est un anarchisme qui se justifie pleinement par ses positions. Et la propriété n'est pas une réduction, vous avez employé ce terme, mais au contraire une incarnation. Reprenons l'exemple de votre sac, etc. Vous êtes vous-même. Mmh. En tant qu'être métaphysique, certes, mais vous êtes également l'ensemble des choses que vous avez et au milieu desquelles vous vivez. Sans elles, vous seriez différente. Vous seriez toujours l'individu que vous êtes métaphysiquement, mais vos propriétés, au sens des qualités qui sont les vôtres, au sens de ce qui vous caractérise, de la caractérisation qu'on donnera de vous, seront différentes. Mmh. La restitution de l'intégralité de l'individualité, c'est la propriété. Et parce que c'est cette propriété, eh bien, elle donne lieu à des développements possibles différents sur ce segment entre public et privé. C'est également pour cette raison que le terme libéral a pris dans le vocabulaire continental, disons, ce terme, ce sens économique que vous avez pointé. Alors, ce ne serait que de l'économie. Mais non, c'est de l'économie parce qu'il faut comprendre que nous regardons cela comme une partie d'un ensemble plus vaste qui serait cet individu, il y aurait sa partie économique. Il faut raisonner à l'envers. Et c'est ce que fait le libertarianisme. La propriété est votre individualité. Il ne s'agit pas de défendre riches ou de prendre la cause des pauvres, des prolétaires, comme le point essentiel. Ça, c'est une conséquence à terme de quelque chose qui est beaucoup plus important que l'on a entendu dès le premier extrait de film sur les droits de l'homme, à savoir que liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression vont de pair. Je suis heureux, moi, qu'on finisse l'émission en revenant à un texte qui date de l'époque de la Révolution française, parce que ce qui nous semble un courant, qui nous paraît étrange à cause de ce terme libertarien, qui est ni libéral ni libertaire, qu'on identifie malheureusement à conservateur et anarchiste, ce qui n'est pas le cas. On revient au fondement même de ce qui explique pourquoi il a fallu une Révolution française. Parce que ce qui était refusé, c'était l'individu dans le cadre de la société d'Ancien Régime, où vous n'avez pas une société, mais des castes. Vous êtes ce que votre ordre vous fait. Lorsque vous vivez, après la Révolution française, dans une société où, de nouveau, vous êtes ce que votre caste, ou votre classe, ou votre appartenance communautaire, ou etc., vous fait, alors vous n'existez plus en tant que tel. L'exigence et la demande impérative du libertarien, c'est de refuser tout cela. Vous n'êtes pas ce que les groupes veulent faire de vous. Vous êtes vous. Merci beaucoup Gilles Campagnolo. On se quitte là-dessus. On mettra tous vos livres sur le site des Chemins de la Philosophie. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. écoutez France Culture, les Beatles, Taxman. Il est 10h54, passé bientôt 55, et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on besoin de la dialectique ? Parmi les termes philosophiques qui font peur, il n'y en a peut-être pas de plus effrayant que celui de dialectique. Quel terme épouvantable, en effet, qui vient de la Grèce, sans doute, mais est passé par la philosophie la plus moderne et a défini aussi des philosophies de l'histoire qui sont même arrivées au pouvoir dans certains pays au nom du matérialisme dialectique. Pourquoi ce terme, pourtant, devrait-il nous faire peur alors que le terme de dialectique a été inventé par les Grecs et en particulier par Platon pour nous orienter dans le langage, comme une sorte de repère? La dialectique, c'est la façon en effet de passer à travers les mots pour les définir, pour donner raison aussi de leur distinction. La dialectique, c'est l'art de distinguer les mots, et par exemple Platon l'a inventé aussi pour définir ce petit mot qui n'a l'air de rien de philosophie. En quoi, comment est-il construit, comment la philosophie s'oppose-t-elle aux adversaires qui la menacent, par exemple pour Platon, et certains les ont défendus depuis, les sophistes, que pour définir la philosophie par opposition à la pratique des sophistes, eh bien il fallait justement des distinctions, arriver à cette connaissance qui cherche non pas seulement à plaire, mais à accéder à la vérité, et qui, d'une certaine manière, va définir, selon Platon, la philosophie. Ainsi, la dialectique était pour lui l'instrument majeur de la philosophie. La philosophie, c'est justement la discipline qui cherche à distinguer et à maîtriser le langage, à ne pas s'y perdre. Alors ce terme ne devrait pas nous faire peur, nous ne pouvons pas nous passer de la dialectique, même si elle ne doit pas suffire, et si finalement dans la dialectique platonicienne elle-même, il y avait la dialectique descendante qui descend vers des distinctions de plus en plus fines, et la dialectique ascendante qui rassemble aussi les points communs aux termes distincts et qui accède à l'unité, par exemple, à l'unité du bien, qui alors fait l'objet d'une vision quasiment mystique, au sommet d'une dialectique ascendante. On voit ainsi que la dialectique n'est pas seulement un dictionnaire. La dialectique, ce n'est pas seulement des repères dans le langage, c'est aussi une pratique, c'est une expérience. Et la philosophie moderne, depuis Hegel et Marx, a justement essayé de penser la dialectique comme un mouvement réel, à l'œuvre non seulement dans l'esprit individuel, mais dans le monde qui passerait d'une étape à l'autre, un peu comme on passe d'un sens d'un mot à un autre dans le langage et dans la parole. La force et le risque de Hegel, c'est d'avoir cru que le monde était régi par un mouvement dialectique, par le passage d'un terme à son contraire, par exemple de la vie à la mort, que la vie étant le contraire de la mort, eh bien ces termes qui sont distingués dans le langage sont aussi les deux pôles contraires de notre vie. Peut-être que l'erreur, c'est de croire que la dialectique régit le monde et régit nos vies. En réalité, il faut plutôt s'orienter dans le monde et dans la vie à travers une dialectique, mais qui doit nous conduire à l'expérience, à ces deux extrêmes de l'expérience. D'abord à des expériences précises, à des expériences auxquelles nous donnons un sens grâce au débat, grâce à la philosophie, grâce au dialogue. Et puis aussi à ce qui dépasse la dialectique par le haut, à ce qui nous rassemble le sens des mots vers des expériences premières, des expériences qui sont certes au-delà du langage et de la dialectique, mais cette dialectique ne doit pas nous faire peur. Le travail de la philosophie, c'est aussi ce qui permet de se dépasser soi-même. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à écouter ou réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi, du comment, et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philo, Thaïs Eloi Hammer qui a préparé cette émission, avec Anaïs Isbert qui a tout donné pour que au niveau technique tout se passe bien, Manon Delasselle, Jules Barbier, avec Louise-André Nicolas Berger à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Merci à François Raison à la lecture des textes. Si vous voulez écouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. Et on se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur les libertariens. Demain, Nozick contre Rawls, clash sur la justice, ce sera avec Marc-Antoine Sabaté. À demain sur France Culture. Retrouvez dans un beau livre illustré Les chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett. 25 entretiens avec les plus grands penseurs contemporains pour mieux comprendre notre époque et notre manière de vivre. Un livre France Culture.